إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الله سبحانه وتعالى a dit dans son noble livre ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable? Il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose l'animosité d'Iblis envers Adam alayhi salam ainsi que sa descendance. Et ce depuis la création d'Adam alayhi salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam alayhi salam, qui est le père des hommes, et qu'il l'a honoré, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Alors Iblis a été jaloux de Adam et du rang que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé et de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Il a alors dit « Ana khayrum minhu »« Je suis meilleur que lui ». Il s'est opposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a refusé de se prosterner. Il a désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le résultat fut donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit, l'a éloigné et l'a écarté de sa miséricorde. Alors Iblis a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un délai. قال انذرني الى يوم يبعثون. Il dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc accordé ce délai. Et à ce moment, Iblis s'est alors engagé et il s'est imposé et il a juré par la puissance d'Allah qu'il ruserait contre Adam alayhi salam et sa descendance et qu'il ferait tout pour les écarter de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'il tenterait de les tirer avec lui et de les conduire au feu de l'enfer et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan » Tu n'auras aucune autorité sur mes serviteurs, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc pris pour allié ses serviteurs croyants et il s'est engagé de les protéger du diable et de ne pas lui donner autorité sur eux. Quant à ceux qui ont pris pour allié le diable parmi les dévoyés, alors sur cela il a autorité. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala met à l'épreuve ses serviteurs. Mais en réalité, il est capable subhanahu wa ta'ala d'anéantir le diable et d'anéantir son armée et ses soldats en un seul instant. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver ses serviteurs. Il a voulu les mettre à l'épreuve afin que se distingue le bon du mauvais et que se distingue le croyant du mécréant et de l'hypocrite. Ceci est donc une épreuve et un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de sa sagesse. Il y a donc dans la création d'Iblis et dans son existence, afin d'égarer les gens, une sagesse immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sinon, comment on distinguerait le croyant du mécréant? Comment on distinguerait le bon du mauvais? Comment se produirait l'alliance et le désaveu? Et comment se produirait la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sa présence contient donc des intérêts immenses. Même s'il y a une nuisance pour ceux qui le suivent, il y a en cela un grand bien et de grands intérêts pour les croyants véridiques, ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont pris en compte sa mise en garde et qui n'ont pas suivi les pas du diable. Quant au diable, il s'est engagé à produire tous ses efforts et à déployer tous ses efforts afin d'égarer la descendance de Adam alayhi salam. Et il s'est même engagé à en égarer la majorité d'entre eux. Il a dit وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire la plupart des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des créatures vont le suivre. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce à ses serviteurs croyants en les préservant et en les protégeant de leur ennemi. Ainsi, quiconque s'allie à Allah subhanahu wa ta'ala et se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance et cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa protection. Quiconque obéit au messager alayhimu salatu wassalam, croit au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et suit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala le protège contre le diable et il ne lui laisse aucune voie contre celui-ci. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset que l'on a cité, « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan » Tu n'auras aucune autorité sur mes serviteurs, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. La louange est donc à Allah subhanahu wa ta'ala, qui protège ses serviteurs croyants, qui leur accorde sa protection, son soutien. Cependant, cela réclame du croyant qu'il ait peur de l'égarement et qu'il prenne garde à son ennemi déclaré. Car cet ennemi, qui est le diable, il a de nombreux soldats parmi les démons, hommes et djinns. Il les déploie et il les envoie pour égarer les gens, pour détourner les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les leurrer et les tromper par les passions et les ambiguïtés, par la mécréance et l'athéisme. Ceci demande donc de toi que tu prennes garde à cet ennemi, que tu prennes sans cesse garde à cet ennemi qui t'assaille de tous bords. Il cherche à t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et être assidu dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et t'éloigner de l'ensemble des péchés. Car lorsque l'homme commet un péché, il a en réalité obéi au diable et répondu à son appel. Mais s'il délaisse les péchés et œuvre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se met à l'abri de la ruse du diable et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa protection contre le diable. Le croyant, il doit donc être sur ses gardes. Il doit chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon constante et il doit s'écarter des péchés et des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois plutôt multiplier les œuvres d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, être assidu dans l'accomplissement de tes obligations comme les 5 prières quotidiennes et les autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires pour nous. Il ne suffit pas à l'homme de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni ». Il ne suffit pas que tu dises ça avec ta langue, puis que rien ne change dans tes œuvres, que tu restes plongé dans les péchés, que tu restes plongé dans les mauvaises actions. Mais plutôt, tu dois chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue. Mais pour que cela te profite, tu dois également t'éloigner des péchés et des mauvaises actions. Tu dois délaisser les œuvres du diable. Tu dois délaisser l'obéissance au diable en commettant des péchés et des transgressions. Et tu dois te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque péché que tu commets, tu dois t'empresser d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois savoir que lorsque tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui fait le plus mal au diable que ton repentir et ton imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque les serviteurs croyants commettent un péché, puis qu'ils regrettent et qu'ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repentent, alors cela veut dire que le diable a échoué. Cela veut dire qu'il s'est fatigué pour rien. Il était content lorsque tu étais dans les péchés. Il se réjouissait de te voir commettre certaines transgressions et certaines mauvaises actions. Puis lorsque tu t'es repenti et que tu t'es débarrassé de lui, alors il a échoué et c'est pour cela qu'il a dit « Les enfants d'Adam m'ont brisé le dos avec l'imploration du pardon. » En effet, il pensait qu'il t'avait pris dans ses filets. Il pensait qu'il avait réussi à t'égarer et à te détourner. Puis tu es revenu à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'es rappelé d'Allah, tu as délaissé ce péché et tu t'es repenti. Il a donc échoué avec toi. Et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, la chose la plus difficile pour le diable et la plus grande perte qu'il a connue est l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé de ses filets un grand nombre de personnes parmi l'humanité. Il les a guidés vers le droit chemin. Il les a guidés vers l'islam. Il les a guidés vers le tawhid, vers le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans ne lui donner aucun associé, vers le fait de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de s'accrocher à celle-ci et d'y mordre avec ses molaires, vers le fait de suivre la sunna des califes bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali radiyallahu ta'ala anhum. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un grand nombre des enfants d'Adam. Il nous a donc laissé sur une voie claire pour celui qui veut le salut. Tu as le choix entre l'obéissance au diable qui te mènera au feu de l'enfer et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam qui te conduira au paradis. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.